c'était Renverser la vapeur de Chloé Lacasse, qui était mon artiste cette semaine que je vous présentais. Alors, cette chanson-là, on voyait déjà plus une... elle s'assume plus dans sa voix. Je voulais pas dire assumation. Une assurance, mettons. Une assurance dans sa voix, des elle mélodies. Elle est très courtière, je te dirais, dans sa chanson. Courtière, mais c'est ça. Come on. Plein de blagues d'immobilier. Pas de blague, c'est une référence. Alors, c'est une blague ou une... la ligne est mince. Quand c'est pas drôle, tu dis que c'est une référence. OK, c'est ça. Ah, c'est ça le secret. Ouais. Alors, et oui, c'est ça. Et on voit, là, il y avait une mélodie qui était quand même... un peu pop, mais dans l'arrangement musical, c'était plus lointain, plus auteur, compositeur, interprète. Donc, ça devenait quand même très intéressant. Belle artiste à découvrir. Je vous invite à vous procurer son deuxième album, qui est Lune. Son premier aussi est bon, mais je pense que son deuxième, c'est vraiment une belle introduction à ce qu'elle veut et ce qu'elle est, ce qu'elle veut faire en musique. Donc, ça vaut la peine d'acheter ça. Sinon, ben en fait, je vous aurais proposé de la voir en spectacle, mais elle est chez nos cousins français. Ouais. Alors, attendez qu'elle revienne et elle va sûrement faire certains spectacles cet été, sûrement là, des trucs de festival, des festivals pis tout ça. Ben oui. Alors, Chloé Lacasse, c'était dans ma boîte à musique cette semaine. Plongez dans son univers avec mettez votre la case de bain. Case de bain. C'est une référence, pas une blague. C'est une référence, ça. C'est une référence, pas, c'est pas drôle. OK. Alexandra Carignan, on te retrouve éventuellement dans une autre chronique, La boîte à musique. Éventuellement, dans les prochaines semaines. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Eh bien oui, vous êtes bien dans le dîner de cons et comme les lundis, hein, à l'habitude, si vous avez pris l'habitude, vous devriez l'apprendre. On rejoint Jeff Veilleux pour 30 minutes pour l'indépendance. Salut Jeff! Salut! Ça va bien? Bon midi, oui! Yes, à part que c'est une petite endormante, là, on va se réveiller avec toi. Tout à fait. En fait, je viens de vous parler de l'origine du Bloc québécois. Ah, parce oui! Parce que là, cette semaine, là, on remet en question encore, en cause, l'existence du Bloc québécois, surtout Pierre-Carl Péladeau qui se posait ces questions-là. C'est des questions à se poser. Légitimes, tout à fait. Oui, c'est ça, exact. Parce que ça, c'est clair que l'indépendance du Québec se fera pas à Ottawa. Non. Ça va se faire au Québec. Et c'est ce qu'il faut, oui. C'est pour ça qu'il y a plusieurs voix qui s'élèvent en disant bon, on va rapatrier toutes nos forces. Puis, ce qui n'est pas fou, quand même. Tout à fait. Mais bon, donne-nous les deux côtés de la médaille. Et donc, on retourne en 1986. Oui. John James Charest, à 28 ans, devient le plus jeune membre du Conseil des ministres et ministre d'État de la jeunesse sous Brian Mulroney, qui est alors progressiste conservateur et premier ministre du Canada. Et John James aussi, qui revient dans l'actualité récente, parce que l'UPAC tente le veut, hein? Ouais, de le rejoindre. c'est drôle que nous autres, en 2012, on le disait déjà qu'il fallait regarder son agenda, mais là, ils viennent de se réveiller, malheureusement, 6 mois après les élections. Donc, John James Charest, en 86, qui devient le plus jeune membre du Conseil des ministres. 9 mai 1986, le gouvernement du Québec affirme qu'il n'apposera pas sa signature au bas de la nouvelle Constitution de 82, à moins que les 5 conditions minimales suivantes soient respectées. Et c'est important de les nommer, ces 5 conditions. Premièrement, la reconnaissance du Québec comme société distincte. Deuxièmement, droit de veto sur tout changement à la Constitution. 3. Garantie concernant la nomination de juges québécois à la Cour suprême du Canada, donc un tiers des juges doivent être québécois. Et quatrièmement, garantie aux provinces refusant de participer à des programmes fédéraux de recevoir des compensations financières. Et cinquièmement, prise en charge complète par le Québec de l'immigration sur son territoire. Donc, quand même, 5 revendications très, très légitimes. Le premier ministre du Canada, Brian Mulroney, élabore sa stratégie du LACMIJ avec les 9 provinces anglophones en proposant le statut de société distincte pour le Québec. L'accord fait consensus et sera élaboré le 9 mai 1987. OK. Mais là, un instant. Coup de théâtre. Le 27 mai, l'ex-premier ministre du Canada, Pierre-Éliott Trudeau, déclare son total désaccord avec l'entente dans un article publié dans le journal La Presse. L'accord sera finalement finalisé le 2 ou le 3 juin suivant, accordant au Québec les 5 conditions qu'il réclamait, et l'entente devra être entérinée par toutes les législatures provinciales concernées avant le 23 juin 1990. Avril 90, Clyde Wise, premier ministre de Terre-Neuve, dit non à Meech. Le Manitoba suivra, car les Amérindiens, selon eux, n'ont aucun privilège dans le document officiel. Donc, au printemps, il y a une quarantaine de villes de l'Ontario qui suivent l'exemple de Sault-Sainte-Marie, une ancienne fortification française, et se déclarent unilingue anglaise, comme pour nous provoquer un peu. Mm-hmm. Même plus que ça, dans la municipalité ontarienne de Brockville, des extrémistes anti-francophones s'essuient les pieds, brûlent les fleurs d'Élysée et crachent le drapeau du Québec devant les caméras de télévision. Face à ces démonstrations haineuses, l'imminent fédéraliste libéral Claude Ryan, qui était chef du camp du Non en 80, déclare en chambre « Si de telles manifestations d'hostilité envers le fait français devaient continuer à se multiplier, il faudra à n'en point douter que nous nous interrogions de manière décisive sur notre place dans ce pays. » Quand même. 17 mai 90, donc un mois avant l'échéance, Jean Charest, alors député conservateur du gouvernement de Brian Mulroney, dépose un rapport qui préconise une dilution des 5 conditions réclamées par le Québec pour réintégrer la Constitution canadienne. 5 jours plus tard, après le rapport Charest, Lucien Bouchard, ministre au cabinet fédéral, démissionne devant l'échec appréhendé de l'accord. Les recommandations d'amendement émises par un comité présidé par Jean Charest choquent Lucien Bouchard et ce dernier claque la porte. Et là, on est pas mal dans l'origine du Bloc québécois. 9 juin 90, après discussion, bon, re-signature de l'accord du Lac Meech, blablabla, patata, finalement, on va le signer. 22 juin 90, la veille de l'échéance. Robert Bourassa va déclarer dans un discours historique à l'Assemblée nationale, et c'est une phrase très célèbre dans les discours patriotiques, « Le Canada anglais doit comprendre de façon très claire que, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est, aujourd'hui et pour toujours, une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. » Hein, quand même. Dit par Robert Bourassa. Tout à fait. Quand même. Hein? Le lendemain, il affirmera aussi au Salon Rouge son engagement à négocier dorénavant à 2 et plus jamais à 11, ce qu'il va réitérer en mars 91 et en mars 92. Donc, 23 juin 90, expiration du délai pour la ratification de l'accord. Résultat, échec de l'accord du Lac Meech par référendum à la veille de la fête nationale du Québec. Le Canada anglais rejette l'accord, notamment le Manitoba et Terre-Neuve, car ceux-ci refusaient de reconnaître le Québec comme société distincte. Le processus fut également ralenti par le Nouveau-Brunswick. 24 juin. Devant ce déni de leur existence, les Québécois ont réagi avec dignité. Une vague humaine sans précédent a défilé à Montréal autour d'un magnifique slogan « Le Québec est notre seul pays ». Mm-hmm. C'est clair et limpide. Mm-hmm. C'est également le grand retour du défilé de Montréal après 20 ans d'absence. Et Richard Blackburn va concevoir une parade sous le thème « Le Québec, 30 ans de démocratie » qui représentera la force, la créativité et le succès des Québécois. On y entend aussi le célèbre discours de Jean Duceppe, père de Gilles Duceppe, qui va être chaudement applaudi à Montréal par la foule. Il dit « Il faudra toujours se rappeler que l'avenir du Québec ne se décidera plus jamais à Terre-Neuve, au Manitoba ou ailleurs. Vive le Québec! » Et s'ensuit alors la fondation du Bloc québécois par Lucien Bouchard. Le 13 août, Gilles Duceppe se fait élire sous la bannière du Bloc québécois, donc un parti qui verra le jour en juin suivant. Il devient ainsi le premier député indépendantiste à se faire élire à la Chambre des communes à Ottawa. Et Gilles Duceppe va finalement devenir le chef de ce parti-là de 97 à mai 2011. 4 septembre 90, il y a une loi instituant une commission pour redéfinir le statut politique du Québec. Et à ce moment-là, les intentions de vote en faveur de la souveraineté sont éloquentes. Si en 62, on était à 8 % de oui, en janvier 90, on était à 46 %, en juin à 58 et en décembre 90, c'est l'apogée du mouvement souverainiste, 65 % de oui pour un pays. Janvier 91, le Parti libéral du Québec fait un rapport que je t'ai déjà parlé, qui est le rapport Allaire, déposé à l'occasion du 25e congrès des membres du parti, et préconise la souveraineté du Québec lors d'un référendum présenté au peuple avant la fin de l'automne 92. Carrément, on est en train là, de changer le paradigme et le Parti libéral est en train de changer d'orientation politique. Le rapport est adopté à forte majorité lors d'un congrès libéral en mars et Claude Ryan menace de quitter le caucus et le parti. Mars 91, publication du rapport de la commission Bélanger-Campeau, qui est une commission itinérante mise sur pied autant par les libéraux et les péquistes de 36 membres qui ont parcouru 11 villes, consulté plus de 600 mémoires, entendu 25 spécialistes et plus de 200 groupes de citoyens québécois qui recommandaient, à la suite d'un constat majoritaire, de tenir un référendum sur la souveraineté association avant le 26 octobre 92 ou au maximum 2 ans en cas de l'échec d'un fédéralisme fortement décentralisé. Mai 91, Robert Bourassa finalement refuse de signer le rapport pour l'endosser, mais le fera quand même après avoir reçu un avis juridique démontrant que sa signature ne vaut rien. Ainsi, une loi sera adoptée à l'Assemblée nationale pour entériner les recommandations du rapport et enclencher le processus du référendum. Ceci est la loi 150. Juin 91, à Tracy, donc fondation du Bloc québécois, Lucien Bouchard prévient ses militants. Je le cite, « Le succès du Bloc sera mesuré à la brièveté de son existence. » Ouais. Nous sommes toujours dans la suite de ça. Exact. Et René Lévesque avait dit la même chose pour le PQ. Hein. Mm-hmm. Le PQ doit être le parti d'une seule génération. Mais comme la politique n'est pas la... Ça bouge lentement. Oui, vraiment lentement. Ben, ça pourrait aller vite, mais je ne sais pas pourquoi ça va... Il y a trop de contre-courant, il y a trop de lobbying, l'argent va technique. De retour, oui, c'est ça. Oui, puis de retour en arrière, de retour pour avancer. Ouais. C'est comme mon... comme la tombe de Piché, là, on rame, on recule de 2 pieds. Là. Ça ressemble à ça. Mai 92, révélation publique par Radio-Canada de l'infiltration de Claude Morin dans le Parti québécois de 74 à 77, qu'il était soutenu financièrement par la GRC. Ça n'a pas beaucoup de rapport avec l'origine du Bloc québécois, mais je voulais informer nos auditeurs. Quand même. 28 août 92, c'est l'accord de Charlottetown. Je vais vous épargner là, les extraits du texte, mais quand même, on dit que le Québec aura la garantie de ne pas avoir moins de 25 % de sièges à la Chambre des communes. Et présentement, là, on est moins que ça. Mm-hmm. Et donc, septembre 92, le gouvernement de Robert Bourassa triche et, contrairement à ses promesses, il négocie avec les autres provinces, fait amender la loi 150 pour faire porter le prochain référendum sur les propositions de Charlottetown. C'est un accord complexe qui constitue un recul certain par rapport à ce qui était prévu par Meech. Donc, un schisme se déclare au sein de son parti et les dissidents fondent l'Action démocratique du Québec, la fameuse ADQ. 26 octobre 92, finalement, défaite du référendum pan-canadien sur l'accord de Charlottetown, qui ne contenait qu'une des 5 conditions de l'accord de Lac-Meech que je vous ai nommé tantôt. Au Québec, c'est la victoire du non qui est présidée par Jacques Parizeau à 57 % et les Canadiens le rejettent aussi à 54 % parce qu'ils refusent toujours de concevoir la société distincte québécoise. Mm-hmm. En cas de rejet de Charlottetown, Bourassa s'était engagé à rediscuter de souveraineté au Congrès libéral et à ne pas organiser de référendum sans être sûr de le gagner. Finalement, coup de théâtre, encore une fois, le 25 octobre 93, donc un an plus tard, la victoire du Bloc québécois qui devient l'opposition officielle de Sa Majesté à Ottawa. Mm-hmm. En contrepartie, John James Charest fut bon deuxième pour la succession de Brian Mulroney et sera nommé vice-premier ministre du Canada dans le cabinet éphémère de Kim Campbell. Donc ça, c'est tout juste avant d'être parachuté au Québec vers 98 là, pour devenir le chef du Parti libéral du Québec. 12 juin 1995, une entente est conclue entre le Parti québécois, le Bloc québécois, récemment formé sur la scène fédérale, et l'ADQ de Mario Dumont. Donc, ils conviennent de proposer par référendum aux Québécois d'accéder enfin à leur souveraineté, assortie d'un partenariat politique et économique avec le reste du Canada. Car s'il veut assurer sa survie, le peuple québécois doit contrôler ses finances, son immigration, ses lois, ses traités, ses impôts. C'est pas nouveau. Il y a quelqu'un qui cite, mais je n'ai pas l'origine. « Les autres nous respecteront si on se respecte soi-même. Ça commence comme ça, et c'est pour ça qu'on ne se fait pas respecter. C'est que la plupart des Québécois, ben pas la plupart, mais une bonne majorité, une bonne quantité des Québécois se respectent pas eux-mêmes, puis mm-hmm. embarquent dans l'image que les médias et puis que les lobbies veulent nous donner. T'sais. Tout à fait. Lucien Bouchard quitte finalement la direction du Bloc québécois le 29 janvier 1996 et devient président du PQ. Et il va devenir aussi premier ministre du Québec, donc c'est ça, en janvier 1996. Ouais. S'amorce une nouvelle phase de réforme importante pour l'avenir du Québec. Fort d'un consensus regroupant les milieux patronaux et syndicaux, Lucien Bouchard convie les Québécois à une grande corvée. Il faut restaurer l'équilibre budgétaire pour maintenir les programmes sociaux et continuer de creuser le trou laissé par les libéraux. L'histoire se répète, tu sais. Tu dis. C'est une époque difficile pour le gouvernement du Parti québécois qui vient d'être réélu en 98. Le PQ réussit néanmoins à dégager la marge de manœuvre nécessaire pour créer Emploi Québec, adopter la loi sur l'équité salariale, créer le réseau de services de garde éducatif qui est remis en cause présentement, le système de congés parentaux du Québec et l'assurance médicaments. En 3 ans, le budget est équilibré pour la première fois depuis 40 ans, notamment grâce à Bernard Landry, qui devient premier ministre du Québec en 2001, lors du départ de Lucien Bouchard. Ceci nous mène en 1997 pour la course à la direction du Bloc québécois. Le Québécois d'origine haïtienne Jean Alfred, qui est le premier noir élu à l'Assemblée nationale en 1976, considéré comme étant du clan des indépendantistes purs et durs du PQ à l'époque, annonce son intention d'être candidat pour la direction du Bloc en remplacement de Michel Gauthier. Sauf si Jacques Parizeau s'y présente également. Finalement, c'est Gilles Duceppe qui va gagner cette course à la chefferie. Mm-hmm. Et là, s'ensuit les péripéties du Bloc jusqu'à nos jours, c'est-à-dire en 2004. Grâce à eux, le scandale des commandites va éclater. Ils vont mettre sur pied par leur pression la commission Gomery, qui a fait état de plusieurs millions de dollars dépensés illégalement par le camp du non, en fait par ses alliés pendant la campagne référendaire de 1995, et notamment aussi en 2006, l'adoption de la motion sur la reconnaissance de la nation québécoise. Dans le fond, une motion qui a été présentée par le Bloc depuis 1990, depuis son entrée, mais qui a été revolée par le Parti conservateur pour s'attribuer les mérites de la reconnaissance symbolique. Toujours symbolique. Oui, parce qu'en vérité, il n'y a rien qui a changé depuis là. Non, s'il y a de quoi même, c'est pire. Oui, ouais, tout à fait. Et le Québec n'a toujours pas signé la Constitution canadienne non plus, chose que Tipette Couillard veut signer d'ici 2017 pour le 150e. Oui, parce que dans le fond, on n'est comme pas dans le Canada. T'sais, on veut être on l'est dans le fond indépendant, sauf le cash. Moi, ça me sidère. Légalement, on n'est pas signataire de la Constitution. Pourquoi ils continuent de l'imposer? Pourquoi il n'y a pas grand monde qui se lève debout pour dénoncer ça? Moi, on dirait que les gens ne s'en rendent pas compte. Ben oui, on l'est pareil. Non, on ne l'a pas signé. Ouais. Une constitution, c'est ce qui constitue un pays. C'est la colonne vertébrale, c'est ce qui dirige l'État, c'est ce qui donne les orientations principales. Mais on ne l'a pas signé. Comment ça roule, je ne sais pas. Et là, finalement, arrive le 2 mai 2011. Finalement, la moustache à Jack est trop séduisante. Peut-être... qui est parti trop vite. Oui, tout à fait aussi. C'est sûr que j'aurais aimé ça. Le voir rouler, son travail de vrai politicien de gauche. C'était vraiment intéressant. Mm-hmm. Mais 2011, finalement, le Bloc mange une tabarnak de volée. Une volée. Passant de 54 ou de 52 sièges à 4. Mm-hmm. Et présentement, il en reste juste deux. Deux. Parce qu'il y en a un qui a décidé de ne plus être indépendant. Puis l'autre, il a décidé, Jean-François Fortin, de créer son propre parti fédéraliste pour faire parler les régions. Il s'attend à élire 15 députés à la prochaine élection. Moi, je m'attends à gagner 1 million de dollars par année. C'est assez fou, tu sais. Ouais. Je m'attends à ça, mais ça n'arrivera peut-être pas. Selon le doyen du Parlement, Louis Plamondon, qui était élu en 84, il dit... Et là, je cite, et c'est tes mots, « L'histoire se répète. » Il dit ça le 2 mai 2011. « Le Québec s'est affaibli en élisant 59 députés du NPD de Jack Layton, mettant à la porte les bloquistes qui étaient majoritaires dans la belle province depuis 1993. » C'est une défaite crève-cœur qui a réduit le caucus de 47 à seulement 4 députés et provoquant la démission immédiate de son chef, Gilles Duceppe. avec raison. Moi, je trouve qu'il est responsable de cette défaite-là. Mm-hmm. Parce que moi, je trouve qu'il n'a pas vanté le bilan du Bloc. Ça faisait 20 ans que le Bloc existait, ou presque, et puis on n'a fait aucun bilan, comme si tout allait bien. Il ne s'attendait pas du tout que les oranges rentrent comme ça. La vague orange. La vague orange, elle a surpris beaucoup nos amis du Bloc. Et donc, la force vive que le Bloc représentait à Ottawa permettait de relayer toutes les revendications québécoises de l'Assemblée nationale, explique le vétéran. Là, on a un parti fédéraliste et même le plus centralisateur qui a des principes qui va aller selon ses principes. Donc, ses propres principes, le Canada d'abord, finalement, même s'ils sont en contradiction avec la volonté des Québécois. Donc, plus de 3 ans plus tard, nous sommes là. Mario Beaulieu a été élu récemment à la tête du Bloc québécois. C'est l'ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. C'était aussi le fondateur du mouvement Québec français. Et finalement, on assiste à le péage sur le pont Champlain, l'imposition d'un oléoduc par TransCanada, la catastrophe de Lac-Mégantic où Ottawa se lave les mains. Oh non, nous sommes responsables des chemins de fer, mais nous n'avons rien à voir dans cette catastrophe. Mm-hmm. Donc finalement, comme tu as dit, le Québec recule encore plus et plus en plus. On recule sans arrêt. Lisez le dit récemment, et je l'ai toujours affirmé aussi, dans le fond, un siège pour un bloquiste, un siège pour un indépendantiste, c'est un siège de moins pour un fédéraliste. Ça serait le temps que, là, on le considère et qu'on en prenne acte. Mm-hmm. Et d'ailleurs, si les Québécois indépendantistes ont mangé une volée le 7 avril dernier, là, il faut comprendre que la scène fédérale va être la prochaine pièce de théâtre. Là, oui, c'est le ring. Oui, exactement. Le prochain combat, et que là, il faut s'allier, il faut faire quelque chose. Les intérêts du Québec en priorité, au-delà d'un slogan repris par les caquistes, là, c'est une priorité que le Bloc québécois met de l'avant avec grand soin et avec grande pertinence. Parce que c'est ça, le Bloc québécois. C'est la priorité aux intérêts du Québec. Oui, oui, mais encore là, moi, c'est la fameuse question, Jeff. Comment qu'on fait pour enlever Harper de là en votant pour le Bloc? Moi, si tu me réponds à ça, je suis heureux. Là, l'Ouest est en train de se liguer contre lui. OK. Y a même une association de vétérans qui est en train de mettre sur pied un regroupement contre Stephen Harper, carrément. Okay. Les scientifiques du monde sont en train aussi ils ont fait des lettres ouvertes là, de plusieurs pays contre Stephen Harper parce qu'il coupe partout dans la culture puis dans le droit à l'information, ouais, la recherche, pour la science, exactement, science, pour etc. la recherche. Et ça, c'est intéressant là, de voir de plus en plus de petits comités de citoyens qui étaient d'abord pro-conservateurs, mm-hmm. comme les vétérans. C'est ceux qui ont été pro-conservateurs. C'est eux qui ont investi dans l'armée massivement. Oh, oui. Puis c'est le seul budget qui ne descend pas chaque année. Mais là, la grogne est en train de monter. Okay. Y a même des personnes du Parti conservateur qui parlent déjà de mettre Stephen Harper dehors, okay. Qu'il soit minoritaire ou majoritaire, mais là, il a fait son temps. Ça fait huit ans qu'il est là. On est tanné de le voir. Oh. Puis eux autres même sont tannés de le voir. OK. En tout cas, je ne suis pas ici pour faire un plaidoyer pro-Trudeau ou pro-NPD. Non, je sais, moi non plus. Mais c'est sûr qu'avec 5 députés conservateurs sur 75 au Québec, c'est consternant de voir à quel point le Canada peut, pour la première fois depuis 1867, diriger le Canada sans l'appui du Québec. Exactement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre acte, ça. Parce que déjà, comme tu dis... En avoir déjà plus, mettons, si on avait, je sais pas, même si c'était chez les libéraux ou le NPD, on en a une couple, là, mais on aurait déjà plus de poids quand même qu'en ce moment. En ce moment, on n'a aucun poids, puis les gars qui sont élus du Québec, c'est pas les plus cool non plus pour nous. Fait que c'est pour ça la question. Moi, c'est, je suis prêt à voter demain, à donner mon vote au Bloc. Mais je veux surtout pas que les conservateurs rentrent encore. Ça me fait encore plus peur que le Bloc qui n'existe plus, moi, personnellement. Oui, c'est ça. J'aime mieux avoir un libéral ou avoir un NPD à la tête. J'aime mieux avoir Mulcair ou Trudeau. Puis, gars, je le dis, je suis devant le micro. J'aime mieux ça que me retrouver avec le Bloc qui rentre avec quelques trucs. Puis, finalement, on se retrouve encore avec les conservateurs qui nous dirigent pour les prochains 4 ans. Ça, je ne peux pas imaginer ça, là. Mais comme notre système démocratique est efficient, ça fait en sorte que même si on aurait voté 75 députés bloqués sur 75, les conservateurs rentrer quand même. Ben oui, c'est ça qui est le pire. On voit vraiment qu'il y a une déficience là, dans le système canadien. Ben c'est là qui fait peur. C'est pour ça que c'est comme une face en point d'interrogation que j'ai. Là. La réforme du scrutin, ça, c'est un autre, ça, c'est une autre affaire qu'il mais faudrait, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Qu'on instaure à tous les paliers. Là. Oui, autant fédéral que provincial, mais c'est pas le système en place qui va le mettre. Parce qu'eux autres, ils veulent que ça reste de même en ce moment. Ouais. C'est comme c'est payant pour eux. Là. Mm-hmm. En tout cas. Mais on va finir sur deux notes oui, positives. Oui, oui, oui. Parce que le Bloc québécois n'est pas mort. Ben non, il en reste encore deux. Mais quand même, moi, j'ai confiance qu'il va y avoir une coalition des indépendantistes et de tous ceux aussi qui sont contre TransCanada, contre l'imposition d'un péage sur le pont Champlain, ceux qui sont fâchés là. De Lac Mégantic. Tu sais, il y a eu 49 morts à Lac Mégantic, puis il n'y a aucune réaction de la part du gouvernement fédéral. Puis là, il y a eu un mort à Ottawa. Puis, c'est la fin du monde. Ouais, c'est ça. Là, ils sont en état de panique et état d'urgence. Ils veulent faire des lois spéciales de mesures d'urgence. En août dernier, il y a les jeunes du Bloc qui se sont réorganisés sur le terrain. Puis c'est le président Forum Jeunesse du Bloc qui dit ça, Xavier. Il dit « On a gagné notre pari à la chefferie du parti. » Parce que c'est les jeunes qui ont fait élire Mario Beaulieu. « Nous sommes l'aile jeunesse la plus puissante au niveau fédéral. Au niveau de la jeunesse, on n'est pas dépourvu. » Et en effet, donc, il y a 75 jeunes du Bloc qui s'étaient présentés lors de l'événement d'une fin de semaine qui était axé principalement sur l'organisation électorale. Et le président de l'aile jeunesse estime qu'il s'agit d'une bonne participation pour une organisation que je vous informe ou je vous le rappelle, qui compte 2800 membres de moins de 30 ans. Et donc ça fait que ouais, ça, c'est l'aile jeunesse au fédéral la plus active. Et c'est aussi 19 000 membres qui adhèrent au Bloc québécois, ce qui en fait aussi le Parti fédéral, en tout cas pas fédéraliste. Non, mais fédéral, c'est au niveau fédéral. Tout à fait. Donc, avec le plus de membres. Le plus de support. 19 000 membres au Québec, et ce n'est qu'un début. Mais pour... ça, on ne l'entend pas. On entend non, juste, il y en reste juste deux, il y en reste juste deux. Deux députés, mais les forces deux. Derrière, puis les appuis sont toujours là. Le Bloc est encore organisé dans toutes les circonscriptions, et c'est ça qui va avoir des candidats partout. Oui. Oui. C'est parce que c'est important. C'est pas confirmé encore. D'ailleurs, pour Trois-Rivières, on attend d'ailleurs la candidature du ça va être Jeff Veilleux. J'ai pas assez le temps, malheureusement. Ah, j'aimerais un jour, ça, mais un c'est jour, sûr. Je ferai de la politique active. C'est sûr. Du moment que tu te perdes pas là-dedans. Tout à fait. Et donc, finalement, aussi, le Congrès d'Option nationale qui vient de se terminer en fin de semaine et qui a adopté une motion très attendue à 45 pour, 38 contre et 2 abstentions afin d'appuyer un ou plusieurs candidats dans la course à la chefferie du PQ. Et ça, si le candidat, et là je cite, « s'engage à faire de l'indépendance du Québec l'objectif prioritaire et immédiat de son parti, tant au plan électoral que programmatique ». Donc, la course à chefferie qui va s'échelonner encore bien longtemps, là, jusqu'en mai prochain. Oui, c'est ça, c'est long. Donc, de janvier à mai. Donc, on aura l'occasion d'en rediscuter. Mais si Option nationale est en train d'ouvrir la porte à une coalition électorale, c'est bon signe. Mais sinon, pour l'instant, à ne pas manquer, la prochaine campagne électorale fédérale, les indépendantistes devront sortir de leur trou, être au rendez-vous et, pour l'instant, être présents à Ottawa. Parce que tant qu'on n'a pas un pays, on va arrêter de se laisser décider de nos affaires par d'autres. Puis on va élire des personnes qui prennent le Québec comme priorité. Et c'est pour ça que je voterai Bloc québécois. OK, parfait. Mais c'est pour ça, justement, c'est si on sort pareil comme on a fait pour la vague orange, c'est qu'on peut être l'opposition officielle. C'est ça qui était merveilleux. Oui. C'est quand, si mettons, les gens voudraient vraiment... s'engager puis penser aux intérêts du Québec, il y a de quoi à faire. T'sais. Si on nous propose des candidats qui ont du sens. Là. Et même dans l'opposition, le Bloc québécois a démontré qu'il pouvait faire quelque chose, qu'il pouvait faire de la pression pour le scandale des commandites, qu'il pouvait faire voter une motion reconnaissant la nation québécoise. Tant que le gouvernement fédéral ne rentre pas en majorité, c'est ce qui est bien dans la vie là, en ce moment. Là. Ouais. Ça va être l'objectif. D'ici un an, on aura l'occasion d'en rediscuter. Ouais. Et c'est tu pour me donnes ça le que goût de voter Bloc. Là. Je vous invite, c'est 5$ aussi si vous voulez être membre. Okay. 5$ par année. Allez J'avoue. Voir sur blocquébécois.org. Ils ont besoin de votre appui. Et si vous voulez être candidat, vous pouvez les approcher aussi. Il y a de plus en plus de jeunes aussi, d'ailleurs, qui ont déjà commencé à sortir à Montréal, des jeunes candidats. Qui vont se présenter ça pour prend le Bloc ça, québécois. Là, ça prend ça, parce que les jeunes ne s'intéressent pas si ce n'est pas des jeunes. Mm-hmm. Les nouveaux ne voudront pas aller. La nouvelle génération s'en fout des vieux, pour vrai, complètement de nos jours. Fait faut qu'il y ait des jeunes qui s'intéressent, sinon ça ne marchera jamais. Et c'est pour ça que je vous laisse avec une pièce de l'Académie du Massacre. Oh. Donc, mon oncle Serge et Anonymous qui vont chanter « Mourir pour le Canada », parce que le Canada était francophone à l'origine, et c'est en ce sens-là que « Voter Bloc », c'est voter Québec libre. Merci Jeff, on s'en reparle la semaine prochaine. On se voit à la manif samedi. Oubliez pas vous non plus, là, manif le 29, donc à Québec ou à Montréal. Refusons, choisissez votre combat. Refusons l'austérité. Ouais, c'est ça, l'austère austérité. Donc on s'en va écouter l'Académie du Massacre. Merci encore Jeff Veilleux. Fait plaisir. Je suis rompu sans laisser sur mon passage quelque acte de vertu, quelque noble message. Mais je ne remonterai pas vers les douceurs célestes sans poser une fois un honorable geste. Je m'en irai par le chemin le plus droit, car je veux mourir pour le Canada. Au toit de mon prenez de trois pieds et demi, ne blâme pas le destin de t'avoir fait petit comme un lilliputien. Oublie donc ton chagrin, pense que toi aussi tu es un Canadien, tu en seras grandi et tu sauras qu'il n'est de plus grande joie que celle de mourir pour le Canada. Quand nous passons le seuil de la froide saison, les érables, ces feuillets perdent leur poison. Un peuple jaune en deuil. Sur l'herbe brune, feuille d'érable si trompe, je ramasse chacune et là je creuse une tombe par-dessus laquelle j'élève une croix. Quel pavot mourir pour le Canada. Quand je pense au combat que l'univers mes ancêtres pour partir de l'embrasse de l'âme de Québec, j'ai noté Canada. Comme le garçon vaillant qui construit son barrage ou l'orignal par le couramment de langage me monte à la gorge sans compte de soir. Quand je veux mourir pour le Canada. Présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca.

Le cri du lion fait par Bibi. C'est parfait. Merci Marie-Laurence Audet. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. C'est les mercredis à 8h30. Oui. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Fait d'hiver extrême, vous allez voir, c'est le cas de le dire. Attention, parce que ces images peuvent heurter la sensibilité de plusieurs personnes, hein, de personnes non averties. C'est un ours qui dévore un fermier vivant en Inde et ça se voit en vidéo. Ben oui, on est aussi écrapou que ça. Ça s'est passé dans le petit village de Mudugiri en Inde. Un agriculteur qui s'était aventuré dans une zone boisée de sa ferme s'est fait dévorer par un ours. Alerté par les hurlements du fermier, de nombreux villageois se sont précipités pour tenter de sauver l'homme en jetant des pierres sur l'ours. Mais malgré les cris de la foule, l'ours a continué à dévorer sa victime avant de les charger, blessant grièvement un deuxième homme. 4 heures plus tard, à l'arrivée des policiers, l'ours était toujours occupé à manger la jambe droite de sa victime. Il a été abattu. Oui, assez violent cette nouvelle. Elle aussi, on va rester dans le choc. Son chat mange sa pizza. Elle l'enferme dans une cage et le plonge dans le bain. Oui, vous avez compris. Scandale au Pays de Galles. Une jeune femme de 22 ans s'est fait actuellement l'objet de menaces sur Internet après avoir maltraité son chat. Il y a quelques jours, elle a posté sur Facebook une photo de son chat enfermé dans une cage et plongé dans une baignoire remplie d'eau. En commentaire, la jeune femme avait écrit « Mon putain de chat a mangé ma pizza d'une valeur de 15 € que j'attendais avec impatience. Il va être humide ce soir, croyez-moi. » Très vite, la photo a été partagée des milliers de fois avant d'être supprimée par son auteur. De nombreuses plaintes ont été déposées ainsi que des pétitions demandant à ce que la jeune femme soit punie. Alertée, les forces de police se sont rendues à son domicile, mais aucune action n'a été menée contre elle vu que le chat a été retrouvé vivant. Mais c'est assez, hein, le monde s'enflamme pour grand-chose puis pour pas grand-chose. Avoir la baignoire, le chat était pas complètement immergé, vous comprenez? Il était peut-être dans 6 pouces d'eau, tu sais, dans sa cage en plastique de transport, là. Il y avait peut-être 6-7 pouces d'eau, donc le chat pouvait facilement maintenir la tête hors de l'eau. Mais effectivement, c'est pas nécessairement un traitement très, très gentil. Par contre, il y a des humains qui se font subir des choses pires que ça, et puis Internet ne s'enflamme pas aussi rapidement. C'est plus ça qui me fâche. Mais quand même, c'est une folle pareille, là, ça enlève pas le fait, quand même. Tiens, on va aller vers quelque chose de plus gentil, beaucoup plus gentil. On s'en va vers l'Allemagne. Je vous présente le passage piétonnier le plus cool du monde. C'est dans la ville de Ilsdensheim, en Allemagne. Deux étudiants ont eu la brillante idée d'installer un petit boîtier permettant d'occuper les piétons en attendant que les feux de signalisation passent au vert. Donc, en accord avec la mairie, ils ont fixé 2 bornes tactiles sur les poteaux d'un passage piéton pour faire patienter les gens de manière ingénieuse. En plus d'indiquer le nombre de secondes qu'il reste à attendre, eh bien, les bornes offrent la possibilité de jouer au célèbre jeu Pong avec un inconnu qui patiente lui aussi de l'autre côté de la route. Lorsque le feu passe au vert, le jeu s'arrête automatiquement et celui qui a marqué le plus grand nombre de points est celui qui gagne. Vraiment, qu'est-ce que tu veux de plus cool? C'est génial comme nouvelle et puis ça ne doit pas coûter des milliers, là. Puis ça rend la vie urbaine plus agréable. Et parlant de vie urbaine agréable, on aurait le goût de se déplacer vers Hollywood Boulevard, vous allez comprendre. C'est une jeune femme, jeune et sympathique et magnifique, qui caresse les boules d'inconnus pour lutter contre le cancer des testicules. Hein? Et quand on dit boules ici, on veut dire vos couilles. Et vous, auriez-vous confié vos testicules à cette charmante demoiselle? Moi, je dirais pourquoi pas? Hein? Pour lutter contre le cancer des testicules, cette jeune femme déguisée en infirmière sexy, mais vraiment, là, a offert à des passants une palpation gratuite sur le Walk of Fame d'Hollywood. Munie de gants, la fausse infirmière a plongé ses mains dans le pantalon de plusieurs messieurs inconnus afin de caresser et vérifier la bonne santé des bijoux de famille de ces derniers. C'est-tu pas assez coquin et génial? Ça arrive pas à Trois-Rivières au centre-ville, ça, hein? Cette initiative pour le moins insolite a été réalisée mercredi à l'occasion de la Journée internationale de l'homme. Elle vise à sensibiliser les hommes au dépistage du cancer des testicules. C'était aussi pour ça qu'on avait sorti la petite vidéo là de Charles Tissère qui parle des couilles. Hein? C'était bien sympathique, mais excusez, j'ai de la misère à quitter la petite vidéo. Donc, pourquoi, là, on va tomber dans un segment du pourquoi, du comment. On s'en va du côté de la France. Vous le savez, j'aime souvent aller faire des nouvelles en France parce qu'il y en a beaucoup. Tu sais, ils sont quand même 60 millions comparé à nous ici, 6-7 millions. Il se passe beaucoup plus de trucs. Hein. Il y a plus d'occasions qu'il y ait des trucs insolites tout le temps. Alors, pourquoi le ministre de la Justice en France est-il le garde des Sceaux? Hein? Le titre de garde des Sceaux est un héritage de l'Ancien Régime. Cette fonction a été créée par le roi Philippe Togus au 12e siècle. Pardon. Elle visait à conserver les archives royales et les sceaux royaux, hein, qui servaient à marquer les décisions du souverain, car à travers tout le royaume, la justice était rendue au nom du monarque. Ce système a ensuite perduré jusqu'à la Révolution française. Puis, selon le principe de souveraineté du peuple et non du roi, il a été décidé symboliquement que la justice devait être rendue au nom de la population. Le titre de garde des Sceaux a alors été attribué logiquement au ministre de la Justice. De nos jours, cette fonction n'est pas seulement une appellation, car le ministre garde littéralement le sceau de la République, donc le véritable sceau. Celui-ci, appelé Grand Sceau de France, est encore utilisé afin de sceller les actes constitutionnels comme la Constitution de 1958 ou certaines lois comme celle abolissant la peine de mort qui a eu lieu en 1981. Hein? On en apprend-tu des affaires? Sinon, qui était le fameux Père Lachaise qui a donné son nom au non moins fameux cimetière du Père Lachaise? Ouvert en 1904, le cimetière du Père Lachaise, 20e, porte ce nom en hommage au jésuite François X de Lachaise, qui a vécu de 1624 à 1709, surnommé le Père Lachaise, ancien professeur du roi Louis XIV. Donc, monsieur le Père Lachaise, hein, monsieur François Dex de Lachaise, possédait une maison de campagne sur les terres de l'actuel cimetière, Paris ne s'étendant pas jusque-là à l'époque. Son frère, le comte de Lachaise, y donnait souvent des fêtes et contribua à l'embellissement du domaine. Le terrain a finalement été revendu pour combler les dettes des jésuites et des propriétaires se sont succédés jusqu'en 1803, date de son acquisition par l'État qui voulait construire un cimetière civil. Le lieu a d'abord été baptisé Cimetière de l'Est, mais ce nom était jugé trop administratif par les Parisiens, pour qui le Père Lachaise était resté populaire. Aujourd'hui, celui-ci compte 70 000 tombes, dont celles de Molière, entre autres, Balzac, Édith Piaf, Jim Morrison, plusieurs autres. Hein. Fréquenté par plus de 3,5 millions de personnes par année, c'est le cimetière le plus visité du monde. Et pour cause, hein, y a de la vedette là-dedans. Sinon, toujours dans notre segment du pourquoi, du comment, eh bien, pourquoi une chanson à succès est-elle appelée un tube? Synonyme de carton musical, le mot tube n'a en réalité pas une origine très flatteuse. C'est l'écrivain, poète et musicien Boris Vian qui lui aurait donné sa signification actuelle dans les années 50 alors qu'il occupait le poste de directeur artistique chez Philips, compagnie de records. Il s'est inspiré donc d'un terme qui existait puisqu'un tube faisait référence au 19e siècle au cylindre rotatif sur lequel étaient enregistrés les morceaux populaires et qui pouvait être lu sur un phonographe. Mais Boris Vian ciblait aussi par ce mot les chansons dont les paroles étaient creuses comme un tube. Une idée qui a ensuite popularisé dès 1957 grâce à un morceau écrit pour Henri Salvador. Le tube qui raconte comment élaborer une chanson à succès avec des paroles banales. Il a même enfoncé le clou un an plus tard avec sa critique du show business en avant la zézic et par ici les gros sous, véritable succès en librairie. Le terme a ensuite pris progressivement un sens moins péjoratif et aujourd'hui on va dire ça, on écoute un tube. Hein? On va vraiment se coucher moins niaiseux aujourd'hui. Ici, vraiment très, très sympathique. Hein? C'est magnifique à voir. Moi, j'aime toujours les gens qui s'aiment beaucoup. En Slovénie, c'est des étudiants qui surprennent leur proviseur, hein, leur directeur, en train de prodiguer un beau cunnilingus à la prof de maths. Intrigués par des cris de plaisir provenant d'une salle de classe, des étudiants à l'école de Maribor ont surpris leur proviseur entre les cuisses nues de la prof de mathématiques. L'homme était en train de pratiquer un cunnilingus. Immédiatement, ils se sont empressés de sortir leur téléphone portable afin d'immortaliser la scène. Postés sur les réseaux sociaux, les clichés ont rapidement fait le tour de l'école avant que la presse ne s'en empare de cette affaire. Drago Kemenik, le directeur de l'école, a menacé de poursuivre les étudiants en justice. Pour sa défense, ce père de deux enfants a expliqué qu'il n'était pas l'homme entre les cuisses de Manja Merchels, la prof de maths. Selon lui, les images ont été photoshopées. De son côté, le professeur s'est refusé à commenter l'affaire. Messieurs Drago Kemenik, premièrement, je veux juste vous rappeler qu'on ne peut pas photoshopper un vidéo. Ça n'existe pas. Ça ne se peut pas photoshopper une vidéo prise dans un téléphone portable. Impossible. La seule chose qu'on peut faire dans une vidéo du genre pas loin de Photoshop, ça serait avec After Effects, OK? Avec After Effects, il faut travailler et il faut avoir beaucoup de talent et il faut savoir ce qu'on fait. Et quand on voit une vidéo comme ça, messieurs le directeur, c'était à vous de faire la chose dans un endroit peut-être plus discret. Parce que ça ne se peut pas. Photoshopper une vidéo, désolé, ça n'existe pas. C'est dans votre tête que ça existe. Sur ce, eh bien, on fait le retour à un vieux segment qu'on a fait il y a quelques mois, je dirais, parce que ça fait, je vous dirais, presque un an qu'on n'en a pas fait. C'est le segment des mille et une chansons à avoir entendues dans sa vie. Il faut avoir entendu ces pièces-là. Et savez-vous quoi? Je recommence où j'étais rendu. Nous sommes rendus en 1969. Nous allons parler de la pièce Sister Morphine, ou Sister Morphine, comme vous voulez, de Marianne Faithfull. Donc, l'auteur Marianne Faithfull, Mick Jagger, Keith Richards, c'est chez les productions Mick Jagger. Le label, c'était sous Decca. Pour la petite histoire, eh bien, je vous envoie ça. Après avoir écrit Sister Morphine, j'ai appris qu'il faut faire bien attention à ce qu'on écrit parce que ça peut devenir vrai, a déclaré Marianne Faithfull en 2002. La chanson a commencé avec le partenaire de Marianne, un certain Mick Jagger, leader des Rolling Stones, a-t-elle dit, avait cette mélodie en tête depuis 6 mois et il arpentait la maison en la fredonnant. Elle a ajouté, c'est l'histoire d'un homme qui a eu un terrible accident de voiture, il se meurt et les paroles de la chanson s'adressent à l'infirmière. La chanson a été gravée en 1968 avec Jagger à la guitare, Jack Nitzsch au piano, Ry Cooder à la guitare, Bill Wyman à la basse et Charlie Watt à la batterie. Faithfull a ajouté des paroles plusieurs mois après le titre et le titre est sorti en 1969 en face B de Something's Better pour être bientôt retiré de la vente quand Decca a compris de quoi parlait vraiment Sister Morphine. Les Stones, aidés encore une fois de Cooder et de Nitzsch, ont réenregistré le titre à la fin de l'année et cette version a été incluse dans l'album mythique Sticky Finger. Désireux d'arracher l'argent des griffes du manager de Faithfull, Jagger et Richard ont alors négligé de la mentionner sur la pochette de leur album. Elle a tout de même reçu sa part des royalties et s'en est servie pour sombrer dans la drogue et détruire sa carrière. Après sa renaissance en 1979 avec Broken English, elle a réenregistré la chanson pour un autre single. L'original étrange, très blues, demeure toutefois l'une des prophéties les plus troublantes du rock. Alors, dans le segment des chansons qu'il faut avoir entendues dans sa vie, on s'en va écouter la pièce de Marianne Faithfull, écrite par Jagger et toutes les autres qui ont essayé d'y voler. Eh bien oui, on s'en va écouter la pièce Sisters Morphine tout de suite dans le Dîner de cons. Tell me, Sister Morphine,

pas amusé du tout le gorille avec sa face de gorille, fait mine de poursuivre son chemin, feignant l'indifférence, stratagème puisque le singe s'empare d'un caillou et le lance immédiatement dans la direction de Stephen Nolan. Heureusement, le YouTuber est parvenu à éviter le projectile. Avec humour, il a même déclaré que ce gorille n'aimait pas beaucoup les Irlandais. Il l'a pris au moins à la joke, mais une chance qu'il l'a pas pogné quand même. S'il l'avait pogné sa tête avec une bonne roche, OK, hein? On peut comprendre ce que ça peut donner. Ici, invention, un ovni pour planer au-dessus de l'eau. C'est une société slovène qui met sur le marché un engin capable de planer au-dessus de l'eau. Donc, l'entreprise slovène Quadrofoil a imaginé un engin capable d'évoluer sur les eaux rapidement et de transporter deux personnes silencieusement en faisant un minimum de vagues. C'est ce que révèle ce mardi 25 novembre le site du magazine français Science et Avenir. Baptisé le QS2 ou le Q2A, il existe deux modèles. Cet engin d'une longueur de 2,9 mètres et d'un poids de 100 kg possède des patins hydrodynamiques, des foils, qui soulève la coque de l'appareil hors de l'eau, ce qui minimise le frottement. Donc, discret, il ne génère ni son, ni vague, ni émissions polluantes. C'est pour cette raison qu'il est capable de circuler même sur les zones protégées dans lesquelles les scooters de mer, donc les Sea-Doo, et engins à moteur sont interdits, toujours selon les concepteurs. En effet, c'est un petit moteur électrique de 3,7 ou 5,5 kW selon les modèles, là, qui assure sa propulsion, et ces derniers sont bien moins bruyants que leurs équivalents thermiques. Ben c'est sûr, c'est électrique, ça fait presque pas de bruit. Quant au modèle Q2, équipé d'une batterie de 10 kWh, il a une autonomie de 100 km, tandis que le modèle Q2A, avec une batterie de 4,5 kWh, a une autonomie, lui, de 50 km. En raison du faible frottement avec l'eau, le constructeur annonce une vitesse de pointe de 40 km pour la version la plus puissante. Les premières livraisons de ces engins sont prévues pour 2015. La version la moins puissante coûtera 15 000 euros et la version haut de gamme 22 500 euros. Vraiment magnifique. Si vous avez beaucoup de sous, eh bien c'est une bébelle magique à posséder. Vraiment très intéressant. Vous irez voir la vidéo qui est disponible via la page Facebook du Dîner de Con. Sinon, ici, un homme vole une tronçonneuse en la cachant dans ses shorts. Pourquoi pas? Sur Internet, il existe des blogs entiers qui sont dévoués au comportement étrange des Floridiens. Il doit y avoir quelque chose de très particulier qui flotte dans l'air de Tampa ou, je sais pas, quelque chose dans l'eau de Miami parce que, pour être étrange, ils sont très étranges, ces Floridiens. Par exemple, Anthony Ballard, 38 ans, a récemment été filmé en train de voler à l'étalage par les caméras de surveillance d'une quincaillerie. Que volait-il? Pas une petite boîte de clous, ni même un rouleau à peinture, mais bien une tronçonneuse qu'il avait heureusement pas mis en marche au préalable. Ben ça, une chance. Et la vidéo est là, hein? Ballard ne s'étant même pas donné la peine de tourner le dos au personnel de la quincaillerie qui était juste devant lui. Avant d'agir, ses agissements ont aussitôt été dénoncés à la police qui a arrêté le criminel un peu plus tard, après que celui-ci ait abandonné l'outil dans le bois et qu'il soit revenu le chercher pris de remords pour le retourner au magasin. Belle histoire. Donc, en Floride, hein, il y en a aussi des beaux sur People of Walmart ou Walmart People. Là, c'est toujours bien, bien, bien, bien sympathique. Des popsicles en forme de microbes. Ben oui, après les toutous en forme de microbes, c'est l'artiste Wiley qui a conçu des sucettes glacées à l'effigie de la bactérie E. coli, du virus de la grippe et autres dans le cadre d'un projet intitulé Dangerous Popsicle Aesthetic of User Unfriendliness. Ce qui peut se traduire par à peu près sucettes glacées dangereuses, l'esthétique de l'anticonvivialité. L'artiste a d'abord créé des modèles 3D géants en termes relatifs. Comparé à des microbes, ils sont géants, même s'ils mesurent quelques centimètres ou quelques pouces. Donc, avant de les imprimer en 3D et de se servir de ces modèles pour fabriquer des moules en silicone qui lui ont servi à préparer ses révoltantes friandises. Le processus est documenté sur Instructable, au cas où vous auriez envie de suivre son exemple. Ben, moi, je trouve que l'idée est très, très bonne. Notez que le projet de Wiley incluait non seulement des microbes, mais aussi des popsicles en forme de cactus piquant, parce qu'on n'est jamais trop passif-agressif quand on veut que la visite parte... OK, quand on veut que la visite parte tout de suite après le dessert. Petite blague ordinaire, hein? On va rester dans le domaine des arts ici. C'est un artiste qui convertit des œuvres d'art ordinaires en trésors geeks. Dave Pollutt est un artiste plutôt rigolo qui a trouvé une manière originale de faire parler de lui. Il achète des œuvres d'art et des reproductions à bas prix dans des magasins de brocante, des marchés aux puces, etc. Puis il leur donne une nouvelle vie en y ajoutant des personnages et des symboles de la culture geek. Champ de blé pittoresque dans lequel s'écrase le USS Enterprise, fleuri, un jardin fleuri vaguement impressionniste aux couleurs criardes qui se transforme en piste de karting pour Mario et ses amis, un atelier de forgeron devant lequel apparaît soudainement un TARDIS qui attire l'attention du petit gars du coin. Il y en a pour tous les goûts. Vraiment, un TARDIS, c'est... OK... C'est une cabine genre de police qui est là, qui est apparue. Dans le champ, moi, les images que j'ai, il y a un champ tout à fait champêtre, hein? Oh, c'est le cas de le dire, avec la voiture, la Cadillac de Ghostbuster dedans. Donc, plein de petits éléments geeks, vraiment sympathiques. Parfois, les œuvres originales sont jolies en elles-mêmes, parfois beaucoup moins. Mais chose certaine, les modifications que Pollutt leur apporte invoquent une toute nouvelle forme esthétique. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller consulter son catalogue sur Etsy. La plupart des œuvres sont disponibles pour une vingtaine de dollars ou moins. Ça, c'est vraiment pas cher, par exemple, pour des œuvres pareilles. Et puis, on en parle. Le gars va faire son nom, c'est sûr. Et puis, je pense qu'il va en inspirer plus d'un aussi. L'idée est vraiment magnifique. Et puis, le résultat est très probant. Là. Ça marche. Et puis, il fait ça vraiment dans les mêmes teintes, dans le même genre de coup de pinceau. Je vous le dis, ça fonctionne. Ça n'a pas l'air d'un collage. Tu sais, ça a l'air vraiment fait dedans. Il y a Batman qui refuse de vendre sa Batmobile. Eh bien oui, Zach Milakovic, un Australien qui a consacré 2 ans à la construction d'une réplique de la Batmobile, oui, du film de 1989, mettant en vedette Michael Keaton et Jack Nicholson, est un gentil héros dans la vraie vie. En passant, je veux juste dire ça, petite parenthèse comme ça, Michael Keaton, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, hein, mais je vous invite vraiment en fin de semaine, samedi dernier, je suis allé au cinéma Le Tapis Rouge, et puis j'ai été voir le film Birdman, qui met en vedette justement Michael Keaton et Edward Norton. Sérieux, c'est à voir, c'est un film comme vous n'en avez jamais vu, un film qui réinvente son propre style. C'est tourné, ça ressemble à un... Ben c'est un faux plan séquence. Un plan séquence, on rappelle, c'est un plan qui ne termine comme jamais. Là. C'est un plan. Il n'y a pas plein de plans. Puis là, après, tu vois un plan de coupe. Puis là, après, tu vois... Non, c'est toujours un genre de plan séquence, caméra à l'épaule. Mais c'est tout à fait pas désagréable parce que moi, je suis le genre de gars qui n'aime pas d'habitude les films caméra à l'épaule. Là, c'est très esthétique. Les plans de vue sont très bons. Sérieux, c'est à voir. Je disais ça comme ça. Michael Keaton, Edward Norton dans le film Birdland. Rendez-vous au Tapis Rouge, ça vaut la peine. En plus, l'expérience Tapis Rouge, c'était ma première fois. Je sais, j'étais en retard. Mais c'est quelque chose. C'est vraiment très, très bien. Sur ce, je continue sur notre ami Zach Mikalovic. Eh bien, Mikalovic, qui s'était fait offrir des centaines de milliers de dollars pour son véhicule, a refusé toutes les offres parce qu'il se sert de sa Batmobile pour offrir des promenades à des enfants malades en collaboration avec la fondation Make-A-Wish, l'équivalent de rêve d'enfant ici. Il en est à une quarantaine de rêves accomplis et n'a absolument pas l'intention d'arrêter. À l'occasion, il loue aussi ses services de chauffeur costumé pour des événements spéciaux. Il a notamment amené des gens à leur mariage, ce qui a certainement fait écarquiller les yeux de la parenté. Vous irez voir ça. Environ 30% des pièces de la Batmobile de Miyakovic proviendraient du véhicule original du film. 30%. Il a fabriqué les autres lui-même et la voiture est immatriculée, alors il peut la conduire partout dans son pays. Vraiment une très, très bonne chose, une très bonne nouvelle de Zach Mikalovic qui aime mieux aider les enfants puis faire du bien autour de lui que de compter ses milliers de dollars. Qu'est-ce que vous diriez de vous faire coiffer à coups d'épée de samouraï? Eh bien, voici Nguyen Hoang Hung, un coiffeur vietnamien qui a pris la drôle habitude de couper les cheveux de ses clients et clientes avec des instruments insolites. Ainsi, une scie, plusieurs paires de ciseaux en même temps. Maintenant, une wakizashi, la plus courte des deux épées traditionnelles des samouraïs japonais. L'autre étant le katana. La clientèle du salon de coiffure ne semble pas particulièrement stressée par l'expérience, comme vous pourrez le voir dans la vidéo qui est disponible sur la page Facebook du Dîner de cons. Semble-t-il que les Vietnamiennes font la queue pour le privilège. Disons que je vais continuer à me passer la tondeuse moi-même, dit le journaliste. Eh bien oui. Tout à fait insolite ici, une auto dans un ballon gonflable géant. Vous avez probablement déjà vu l'un de ces gros ballons gonflables dans lesquels des enfants ou des casse-coups ou des enfants casse-coups, ça arrive hein, des fois, se précipitent en roulant du haut d'une pente, idéalement pas trop raide si les volontaires veulent trouver l'expérience enrichissante plutôt que dommageable et vomitoire. Hein? Voici ce qui arrive quand, au lieu d'une personne, ce genre de ballon est géant et est habité par une voiture. Ignorez l'aspect pub viral et imaginez ce que vous ressentriez au volant de cette bulle et de cette voiture. Un peu dommage tout de même qu'il n'y ait pas plus d'images captées de l'intérieur de la voiture. Vous irez voir la vidéo. C'est hallucinant. Si vous la trouvez pas, la vidéo, ben, elle est en lien sur la page Facebook du Nez de Con. Mais c'est « New Nissan Note in a Car Zorb ». Donc, un Zorb, c'est la grosse, grosse bulle. Vous irez voir, vraiment, c'est assez malade, l'histoire. On a fait vraiment un gros buzz qu'on veut faire avec ça. Et je pense que ça va marcher. Ça, c'est sûr. C'est à voir. Mais j'avoue qu'on aurait aimé voir de l'intérieur. On souhaite qu'il y ait quelqu'un dedans cette voiture, mais sûrement que ça doit donner un bon mal de cœur. Vous irez voir, en tout cas. C'est ça que je peux vous dire. Et puis, tiens, on va terminer la demi-heure ici avec cette publicité. Ben oui, on cherche une entreprise anglaise, cherche un candidat pour le job. Ben, un des jobs les plus douloureux du monde. Vous êtes insensible à la douleur? Eh bien, si oui, ce job est parfait pour vous. Donc, cette entreprise anglaise spécialisée dans la fabrication de balles de paintball vient de lancer un appel à candidature pour le moins insolite. Celle-ci recherche une personne pouvant supporter la douleur contre une belle somme d'argent. L'heureux élu se verra proposer un salaire pouvant aller jusqu'à 50 000 euros pour seulement quelques jours de travail. Mais le job, c'est sûr, n'est pas sans risque. Hein? Le salarié devra se faire tirer dessus pour tester les nouvelles balles fabriquées par l'entreprise basée à Londres. Comme le stipule l'annonce, ce sont des professionnels formés et expérimentés qui lui tireront dessus. Le candidat devra être légèrement vêtu au cours de ces épreuves. Bien évidemment, il y a un petit risque de douleur, d'inconfort et d'ecchymose. Le volontaire devra avoir donc le courage et un seuil de tolérance à la douleur assez élevé. Pour Justin Tohig, le directeur de cette société, il s'agit là du job idéal pour un étudiant ou un jeune adulte qui souhaite récolter une jolie somme d'argent pour s'offrir, par exemple, un très beau voyage à travers le monde ou payer, sa maison ou presque. Hein? D'autant que sa période de travail ne durera que quelques jours entre Noël et le Nouvel An. Je vais y aller, moi. Il est très important que les nouvelles balles soient testées avant que nous les proposions aux clients. Nous devons connaître les dommages qu'elles peuvent causer à l'organisme. Hein? Si vous souhaitez donc postuler, rendez-vous sur le site Internet de l'entreprise en cliquant sur le lien via la page Facebook du Dîner de Con. C'est ukpaintball.co.uk. Join our team. C'est parfait. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de Con de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cfou.ca.